seulement de ne pas oublier notre histoire. Me dire évidemment qu'il ne sera jamais trop tard. Bien que je ne sois pas doué pour avouer ces choses-là, je ne sais pas cacher ma peine à ne plus être là pour toi. Mon cœur est si fragile, et tu sais pourtant que je suis fort. La vie n'est pas facile, partageons cet ultime effort. Je veillerai sur toi et tu n'auras qu'à lever les yeux pour me voir. Je ne sais pas jouer sans toi, le piano sera seul sur scène. Ce n'est pas comme si je pouvais te donner ce qui t'aiderait à apaiser la douleur, mais aussi oublier d'avoir peur loin d'ici. Histoire, me dire évidemment qu'il ne sera jamais trop tard.